Ils disent, là, pour donner une définition bien courte, là, ils disent que l'éther, c'est un monde parfait, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel vous ne pouvez rien vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça peut être, l'éther. Il dit, même si vous êtes allé dans l'astral, dans les hauts plans de l'astral, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que c'est l'éther. Il me dit nos affaires. Ils disent que l'éther, c'est un monde que l'on construit présentement par notre conscientisation. C'est nous autres qui construisons ça, cet éther-là. Il dit, votre éther est inhabité. N'y a personne dedans. C'est vous autres qui allez rentrer dedans. Il dit, l'éther terrestre, c'est l'éther terrestre. L'éther d'une autre planète, c'est l'éther d'une autre planète. Chaque planète a son éther. Vous autres, vous avez votre éther. Puis ceux qui rentrent dans leur éther, ils rentrent dans leur éther. Puis il n'y a personne qui peut rentrer dans ton éther quand tu es dedans. C'est impossible. Il dit, c'est même plus un problème de vibration dans l'éther, c'est un problème d'énergie. Et le sens occulte, quand Jésus disait qu'il fallait se faire une place, tu sais, quand t'as Ah, parlé. ah. Puis quand l'éther est invité à toi, là, Ah. c'est plus que tu sais. Peut-être avoir fini ton temps dans l'ancienne, mais c'est dans la pulsation de l'éther. Quand tu dis faire descendre l'énergie du temps matériel, c'est que tu vis. Bon, moi, je me sens que dans l'éther, là, je vais rester vite. Oui. Bon, tu viens de dire quelque chose, là? Y avait-tu qui ont perçu la vibration dans cette affaire-là? Elle vient de dire quelque chose, là. Puis moi, je peux pas l'expliquer, ça. Bon, mais c'est ça, l'éther. OK, là? La vibration, là, qui a passé dans ce qu'elle a commencé à dire, là, bon, mais c'est ça, l'éther. As-tu compris ce que tu as dit? Un que l'espère. Maintenant, je comprends plus grand chose. Ah, non. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Il y avait une vibration, là. Il y avait une vibration, là, quand elle a commencé à dire ça. Mais c'est ça, l'éther. Quand on va dans les terres, on s'en apercevra peut-être même pas. Et de deux, c'est une autre qui va tirer une nouvelle terre. Oui. Et? Et l'autre, c'est une autre. Et? Continue donc. Bien comme là, j'ai une bonne, là, parce que je n'ai pas de vibration. Donc, d'après moi, là, en fait, j'ai une bonne. Ton éther, c'est toi-même qui as fait le circuit. C'est ta propre énergie. C'est pas un lieu qui doit être. Alors, j'attends que tout le monde dit, j'attends que quand tu vas être à l'éther, tu auras même plus besoin de le savoir avec ton éther. Je vais t'en demander. C'est pas bête, il dit, mais c'est pas fini. Sais, quand tu dis ça dépend des conditions des fois, parce que moi, j'aime mieux être bête. Parce que à chaque fois que tu parles dans les terres, là, tu dis pas une bête, on s'en va tous comme des anges par l'air. C'est ça qui est pas correct. C'est ça que je trouvais important tantôt quand tu as parlé de désir intelligent. Écoute, il y a passé 10 ans. Moi, je dis qu'un homme, quand il a un désir, une intimité, ça l'a affaire, je ne sais pas comment, mais ça l'a affaire au frère. Quand un homme a un désir d'intimité qui est au-delà de son désir astral, Il est déjà un peu dans les terres. ce désir-là, c'est la perception, tu comprends ça, là? Tout cet éther-là qui s'ajoute. Et tu te bêtes, tu ne peux pas faire ton corps de désir, tu fais aller. C'est impossible de faire ça. Pour toutes les raisons qu'on a expliquées dans le. Mais c'est impossible que moi, je désire manger du Twin-Twin-Twin si je ne sais pas qu'est-ce que c'est du Twin-Twin-Twin. Tu comprends ça? Il faut qu'il y ait un désir intelligent qui m'est donné par l'ajusteur de pensée. Parce que je n'aurais jamais été capable de dire à la tête assez haute pour désirer ça. Puis quand j'ai ce désir-là, Là, je fais défendre mes lèvres. Moi, j'aime mieux défendre mes lèvres. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme une cage d'étape. Moi, je vais mettre mes lèvres. Je fais défendre la cage, je me mets dedans. Je suis dans ma cage dorée. Je suis dans mon étape. Puis ce qui fait la force avec laquelle je peux être dans les pattes, c'est la force avec laquelle, est proportionnelle à la force avec laquelle j'ai tout mon mon âme, parce que c'est avec l'énergie de l'âme que je construis cet état-là, qui est mon corps éthéré. Mais mon corps éthéré, c'est mon habitat dans les pattes. Mais une fois rendu dans les pattes, après, vous ne savez plus ce qui se passe là. Mais comme je ne sais pas ce que tu dis, moi, ça ne me fait rien d'être dans mon état, et dire, à côté de toi, dans ton état, à côté d'elle, dans son état. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de division. C'est ça la différence entre l'état et le monde matériel. Et le monde supérieur, parce que dans le monde supérieur, il y a toujours des toujours quelque chose qui nous divise dans l'état, il n'y a pas de division. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de division entre mon désir et moi. Donc, il n'y a pas de division entre l'intuiteur et moi. Il n'y a pas de division entre l'intelligence universelle et moi. Il n'y a pas de division entre moi et le temps. Moi, tout entier, je deviens de quelque chose en fait. Autrement, il y a toujours une division. Je ne suis pas avec le. Je ne tourne pas rond avec le corps. Je tourne avec la petite tandis que je rentre dans l'engrenage. La première thing qu'on est capable de vivre dans l'état, c'est la capacité de vivre d'abord et exceptionnellement matériel. Dans ses propres conditions de vie, puis dans son énergie. C'est ça qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible. Que mon désir intelligent, il doit commencer à être réalisé dans la matière ici. Sinon, je ne peux pas passer ici, parce que je ne suis pas finie dans un ancien business. Il faut que je finisse ma business ici. Et après ça, il y aura d'autres choses. Mais il faut commencer par ça. Puis les hommes qui ne feront pas la finir la business ici, sinon, hein, ben, ils vont crever. Ils ne peuvent pas rester ici. L'éther commence dans la matière. Oui. L'éther commence dans la matière. Très définitivement. L'éther, c'est simplement la brisure du champ magnétique avec la qui nous pogne. C'est les forces qui nous pognent avec les autres. Tu peux rester sur la planète Terre, dans ton éther, t'es bien. T'es pas dans ton corps éthérique qui est en dessous de la tente-là. Mais t'es bien parce que t'es plus soumis à la loi de l'éther ou à l'éther. Toutes ces lois-là. Donc, tu n'as pas de champ magnétique, mais tu peux fabriquer. Tu fabriques ton propre champ magnétique. Il faut que je puisse fabriquer ce champ magnétique-là pour que je puisse décoller de ce matériel-là, de ce monde matériel-là qui m'a mis dans les airs. Je peux pas, si je pense que mon champ magnétique n'est pas défait avec les liens avec les autres ou avec les relations émotives, il faut plus que je sois en contexte. Il faut plus que je fasse partie d'une tête. Il faut que je sois la fleur de cette fille qui décolle de cette fille par elle-même. Il faut que je sois l'école. Mais c'est si bien que je le fais. C'est ça l'intuition. C'est à cause de l'intuition que je suis capable de fabriquer mon champ magnétique. Moi, je sais que je ne fais pas le lien, que je suis prête à faire le lien, que je suis très gentil, que je suis très lourd, je suis très libre. Je suis un agent libre. J'ai commencé par être libre. Et après, on se lève d'ailleurs. Très juste. Oui. Et ça, c'en est un champ magnétique. Parce que tous les champs magnétiques, c'est de la polarité. Quand on pense libérer le champ magnétique, c'est libérer la polarité. Parce que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau astral, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau physique. Il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de lien. Je suis de deux. Et là, j'ai une identité. C'est juste à partir de ce moment-là que j'ai une identité. Avant, je n'ai pas d'identité. Je me pense quelqu'un par feedback des autres. Toi, tu me trouves fine, tu manques de 5, tu me trouves fine, ça veut dire que moi, j'ai une identité. C'est comme ça que ça arrive. Mais j'ai une identité à partir du moment où l'âme